Les éditions de l'Avenir présentent Les Conjurés de l'Aspar, roman fanique d'André Bory, paru à l'origine d'un Basis hors série, numéro 16. Chapitre 3. Mazas et Ax quittèrent l'appartement de la jeune femme et empruntèrent la bande transporteuse qui menait à la périphérie de la ville souterraine. La Carsacienne portait négligemment un sac de toile moyenne pendu à une lanière sur son épaule droite. L'antilan, quant à lui, était harnaché comme à son habitude de sa ceinture d'armes. Celle-ci comportait les gaines d'un pistolet thermique, d'une hache de jet et d'une sorte de sabre court et recourbé. Trois sacoches de cuir complétaient l'ensemble. Comme toujours, l'octopode déclenchait quelques regards étonnés de la part des gens qu'il croisait. En effet, sa race, peu prolifique, était inconnue de la plupart des peuples d'origine terranienne. Il faut dire que son aspect était assez insolite. Doté de 8 appendices musculeux, soutenant un corps ovoïde de grisâtre, resserré en son milieu, et dont la partie supérieure constituait la tête, il pouvait se déplacer indifféremment sur 3 ou 4 jambes, selon les besoins du moment. Les 4 ou 5 membres restants étaient autant de bras, et leur extrémité effilée permettait de saisir avec une force et une adresse que l'on aurait pu penser être réservée aux humanoïdes. Sa tête se terminait par un méplat hérissé d'une couronne d'yeux aux reflets dorés, et son sommet était parsemé d'antennes vibratiles qui lui servaient d'ouïe. La veille, les retrouvailles des deux amis s'étaient effectuées sous le regard de Nero Stenberg, qui avait cependant refusé d'expliquer comment il avait réussi à amener l'antilan jusqu'à la recluse. À présent, ils se dirigeaient vers le rendez-vous que leur avait donné Arne Domati, leur futur pilote, par l'intermédiaire du capitaine. Peu avant d'atteindre l'extrémité du trottoir roulant, ils le quittèrent pour emprunter une allée perpendiculaire qui menait à l'auberge des Trois Sages, où ils s'installèrent à une table près de la porte d'entrée. Elle était encore tôt, il y avait peu de clients. La majorité était d'ailleurs agglutinée autour du bar. Ils commandèrent un repas léger, du moins en ce qui concernait Mazas, car Ax, pour sa part, provoqua l'émerveillement du restaurateur à l'énoncé de tout ce qu'il comptait ingurgiter. Et qu'il ingurgita! Ils en étaient au café lorsqu'un des piliers de bar s'avança vers eux. Il posa ses deux poings sur la table, ce qui lui valut un regard désapprobateur de l'agent de l'OMU. Mais, contrairement à ce que l'on aurait pu supposer, vu le temps passé accoudé au zinc, il avait l'œil clair et le regard incisif, preuve qu'il simulait son rôle d'ivrogne. Mazas en conclut in petto qu'il n'était certainement pas ce pour quoi il voulait se faire passer. « Que voulez-vous ? » ?»« Vous êtes Mazas Pavel ? » ?»« Oui. » »« Et lui ?»« Arx, mon ami. Et je suppose que vous êtes Arne Domati. » Tout à fait exact, ma belle. Le bras de la jeune femme se détendit comme un ressort, sa main agrippa le col du pilote et l'attira vers elle. Je ne suis pas ta belle, tu as bien compris? Le visage cramoisi, l'homme hocha péniblement la tête. D'accord. Elle le relâcha subitement et il se redressa en se titubant. Il tenta bien de faire contre mauvaise fortune bon cœur, mais son œil brillant de haine ne pouvait pas faire illusion. Je ne pensais pas à mal. Mais je te trouve plutôt vive dans tes réactions. C'est vrai, mais cela dit, j'aimerais autant que nous en restions au vouvoiement. Comme vous voudrez. D'un geste, elle l'invita à s'asseoir à leur table. Lorsqu'il se fut exécuté, elle entra aussitôt dans le vif du sujet. Le capitaine Stenberg m'a dit que vous aviez trouvé un vaisseau. Oui. De quoi s'agit-il ? Depuis hier, un des nouveaux bâtiments de l'Empire solaire stationne sur le tarmac. D'après un mécanicien, il a été modifié et amélioré pour convenir à l'exploration de la galaxie, voulue par le Stellark. C'est donc un des astronefs ramenés d'Eldorado. Oui. Ce ne sera pas une nouveauté pour vous, n'est-ce pas? Sa question prouvait qu'il connaissait le rôle joué par la jeune femme dans la découverte du mystérieux monde dont Rabotax III avait révélé les coordonnées à l'émir. Ce qui excluait de façon formelle qu'il ne soit qu'un pilote à la dérive. Ses liens avec le capitaine de la sécurité étaient beaucoup plus étroits que ce dernier ne l'avait laissé entendre. Quelle est sa classe? Je dirais de la taille d'une gazelle. Vous pourrez le manœuvrer tout seul? Presque. Il s'agit d'un engin semi-robotisé, un prototype mis en essai et qui doit permettre de n'utiliser qu'un équipage restreint. De toute manière, j'ai deux copains, un mécanicien et un radio, qui vont nous accompagner. Ça n'était pas prévu au programme. C'est à prendre ou à laisser. Elle scruta attentivement son visage, mais à part une lueur moqueuse dans le regard, il ne détecta chez lui nul embarras. Je n'aime pas trop les surprises. Bien souvent, elles s'avèrent mauvaises. Mais je suppose que nous n'avons pas le choix. Il haussa ironiquement les épaules, sans dire un mot. Qu'en est-il de l'équipage? Il n'y a plus personne à bord. Quartier libre pour tout le monde. En attendant le départ pour un périple de 10 mois, destiné à effectuer une surveillance discrète de l'installation des quartiers. Elle le regarda d'un air soupçonneux. Vous en savez des choses pour un ex-pilote mis sur la touche? J'étais au bar du terminal lorsque le personnel est descendu à terre. Quelques-uns d'entre eux se sont installés à une table à proximité de l'endroit où j'étais. Je n'ai plus qu'à ouvrir toutes grandes mes oreilles. C'est fou comme les gens peuvent être bavards quand ils sont réunis autour d'une bouteille de Vurgus et qu'ils ont besoin de décompresser un peu avant un départ en mission. Ouais, admettons. Mais je voudrais vous poser une question. Laquelle? Pour quelle raison êtes-vous prêt à sacrifier votre avenir en m'aidant à voler un astronef? Actuellement, je ne suis plus qu'un minable rampant avec un boulot qui me sort par les yeux. Si nous réussissons notre coup, la vente du vaisseau me rapportera suffisamment d'argent pour changer d'identité et acheter un petit caboteur qui suffirait à mon bonheur. Je n'ai donc rien à perdre. Je suppose qu'il faudra que je me contente de cette réponse. Alors, quand partons-nous? Nous pourrions le faire tout de suite, mais il y a un problème, et de taille. Notre futur moyen de locomotion est gardé en permanence par 2 soldats en armes. Il va falloir guetter le moment où leur attention sera moins soutenue pour nous glisser à l'intérieur. Nous avons déjà perdu suffisamment de temps. Allez récupérer vos amis, Arx et moi, nous nous chargeons des sentinelles. Comme il semblait hésiter, elle l'encouragea. Rendez-vous au terminal dans 3 heures. Nous, en attendant, nous allons inspecter les lieux et préparer nos affaires. Arne Domassy acquiesça, se leva et quitta la salle en disant « Je vous laisse régler les consommations. À tout à l'heure. » Ils terminèrent tranquillement leur repas, Arx demeurant toujours le pôle d'attraction des clients de l'auberge des Trois Sages. Il est vrai qu'il était assez impressionnant à voir, alors qu'il enfournait avec la régularité d'un métronome la nourriture et les rasades de vin de Polymar dans sa bouche ronde ornée de 2 défenses recourbées et acérées. La dernière bouchée ingurgitée sous le regard amical et amusé de Mazas, l'octopode repoussa le siège sur lequel il avait calé son corps polymorphe. L'agent de l'OMU et son étrange compagnon s'étaient installés à une table d'où ils avaient une vue panoramique sur le petit astroport abrité dans une cuvette profonde, isolé du vide par un toit translucide en plastométal qui s'ouvrait en deux à l'arrivée et au départ des vaisseaux. Cette structure permettait d'accéder aux astronefs de petit tonnage sans être obligé d'enfiler un spatiandre. Si des croiseurs supérieurs à la classe des villes se présentaient, ils restaient en orbite, le transbordement des passagers s'effectuant par navette. Le dôme pressurisé, où se trouvaient un bar et la salle d'embarquement, était le seul bâtiment situé en partie à la surface de l'astéroïde. Il offrait à tous ceux qui finissaient par trouver pénible la vie souterraine l'occasion de se ressourcer en ayant l'impression d'être à l'extérieur. Sur les bases de l'OMU, les mouvements d'astronefs étaient peu nombreux et, de fait, il n'y avait devant leurs yeux que 2 navires, une sphère interconite de 100 mètres de diamètre et un engin de forme ovoïde qui reposait sur de larges pieds en métal bleuté. Ce dernier était bien l'un de ceux qu'elle avait découvert sur Eldorado à la suite de sa mission avec l'émir. Sa coque était constituée d'un acier appelé, faute de mieux, Eldorald, par les savants qui l'avaient étudié, dont le point de fusion était supérieur à 8000 degrés Celsius à celui de la terconite. Comme le leur avait signalé Arne Domati, 2 sentinelles faisaient les 100 pas et circulaient autour des étançons en paraissant s'ennuyer ferme. À 7 heures, en fin d'après-midi, ils étaient pratiquement les seuls clients du bar. Lorsque le pilote se présenta, accompagné du radio et du mécanicien dont il leur avait parlé, les deux amis avaient arrêté leur stratégie. En quelques mots, Mazas expliqua ce qu'elle attendait des nouveaux arrivants. « Je sais où se trouve le disjoncteur. Il y a quelque temps, j'étais là quand il y a eu une chute de tension électrique. Comme il n'y avait pas de personnel de maintenance disponible, j'ai proposé mes services pour effectuer un dépannage de fortune. » expliqua Lionel Tarik, l'un des compagnons de Domati. « Vous êtes électricien ?»« Non, mécanicien. Mais enfin, je touche un peu à tout. »« Parfait. Alors ce sera à vous de jouer. » La Carzacienne et l'Antilan se levèrent, payèrent leur consommation au barman qui, quasiment au chômage technique, tuait le temps en contemplant une série d'onirovisions sur le petit écran installé sur un coin du comptoir. Puis, ils se dirigèrent vers la sortie. Un coup d'œil en arrière les rassura. Personne ne s'intéressait à eux. Aussi, au lieu d'emprunter la bande transporteuse qui devait les ramener vers le centre de la cité, ils s'engagèrent dans le couloir menant au puits antigrave qui permettait d'atteindre le niveau du tarmac. Sans rencontrer âme qui vive, ils pénétrèrent dans une salle d'embarquement meublée de tables et de fauteuils bas, et dont l'un des murs servait de support au casier de consigne. Rapidement, ils s'avancèrent vers celui qui contenait la combinaison, de forme vraiment particulière, de l'octopode. Celui-ci s'en empara, un de ses pseudopodes le serrant contre son corps. Puis, debout derrière la porte ouvrant sur la piste d'envol, ils patientèrent. L'intervention de Tarik ne devait plus tarder. Leur attente ne fut pas longue. D'un seul coup, toutes les lumières du secteur s'éteignirent. « Allons-y !» lança Mazas en tapotant l'un des membres de son compagnon. L'instant d'après, il se précipitait silencieusement et souplement en direction du vaisseau qu'il comptait emprunter. Surprise par l'extinction subite des projecteurs qui éclairaient le tarmac, les deux sentinelles allumèrent les lampes frontales de leurs casques, ce qui permit à la jeune femme et à son étrange ami de leur tomber dessus encore plus rapidement que prévu. Frappé par un atémi asséné à la base de la nuque, le premier s'affaissa en lâchant son arme. Quant au second, arraché du sol par un tentacule musculeux, il alla s'écrouler contre l'un des étançons. La scène se trouva à nouveau plongée dans l'obscurité. « Ça va ?»« Avec Arx, jamais de problème. » Réponse qui arracha un soupçon de sourire à l'agent de l'OMU. À tâtons, ils se dirigèrent vers le sas d'entrée de l'astronef. Mazas désactiva le système de fermeture et le battant glissa latéralement. Ils se glissèrent prestement à l'intérieur. 5 minutes plus tard, leurs 3 complices les rejoignaient après avoir soigneusement verrouillé la porte derrière eux. Réunis dans le poste de pilotage et après avoir constaté avec soulagement que les instruments de navigation ne différaient en rien de ceux qu'ils utilisaient d'ordinaire, ils firent rapidement le point de la situation. « J'ai bousillé le disjoncteur, mais il ne leur faudra pas longtemps pour le réparer. »« C'est pourquoi il faut décoller le plus vite possible. »« Et le toit de protection ?»« Arx, mal à faire son pain. » annonça l'Antilan en se dirigeant de sa démarche chaloupée vers la centrale de tir. « Les deux sentinelles vont mourir !» Tant pis, nous n'avons pas les moyens de faire du sentiment. Domati, mettez les antigènes en marche. Vous décollerez dès que l'obstacle aura disparu. L'homme lui jeta un regard surpris, puis il hocha la tête et alla s'installer dans le siège contour face à la console de navigation. Tout le monde à son poste! Lionel Tarik et Josie Delange, le radio, gagnèrent leurs postes respectifs tandis que Mazas s'adjugeait le fauteuil de copilote. L'octopode, lui, avait levé son corps souple à la place dévolue à l'officier de tir. L'extrémité d'un de ses pseudopodes avait activé le radiant de proue et il avait sur son écran de contrôle une vue du toit transparent qui isolait la cuvette du vide interstellaire. Sur un signe de la Carzacienne, Domati enclencha les moteurs anti-G et commença à pousser sur la manette de puissance. Un léger balancement signala aux passagers que les pieds des étançons venaient de quitter le sol. Arx, c'est à toi. Pendant une fraction de seconde, un épais pinceau d'énergie s'échappa du sommet du navire, mais cela fut suffisant pour volatiliser le dôme en plastoc vert au-dessus de leur tête. Au même moment, un flot de lumière illumina le tarmac et la coupole, suspendue au flanc de la dépression, qui abritait le bar et la salle d'embarquement. Un bourdonnement bref et le vaisseau jaillit vers le ciel. Merde! Qu'y a-t-il? Un croiseur lourd de l'OMU! Où ça ? En orbite, autour de l'astéroïde, répondit le pilote, en désignant la silhouette de la sphère qu'il venait de découvrir sur le moniteur d'approche. Je suppose qu'il n'était pas prévu au programme. Certainement pas. Si nous voulons nous en sortir, il va falloir faire donner à notre zinc tout ce qu'il a dans le ventre. Et, joignant le geste à la parole, Arne Domati apporta la puissance maximale au bloc propulseur. Un grondement sourd s'éleva des entrailles de la nef, qui accéléra d'une manière foudroyante, cherchant à atteindre plus vite la vitesse de libération, au mépris des paliers nécessaires à ce genre de manœuvre. À peine une minute s'écoula avant que l'intercom négraine ses notes cristallines. Le large visage d'un Étrusien apparut sur son tube cathodique. Ici Carl Pilbar, commandant du Nimbus. Veuillez vous identifier et stopper immédiatement vos moteurs. Je répète, stoppez vos moteurs ou nous tirons. Le visage de la Cardassienne se crispa et ses sourcils se froncèrent tandis qu'elle fermait les yeux. Le pilote, loin d'obtempérer à l'ordre qu'il venait de recevoir, coupa la communication en marmonnant « Compte dessus ». Dans le même temps, il activa l'écran défensif et le petit astronef, nimbé d'une aura verte, poursuivit sa course folle. Un choc violent le secoua, preuve que les canonniers du Nimbus ne s'embarrassaient pas de coups de semonce. L'écran SH flamboya. Domati redressa l'assiette de son appareil avec maestria et entama un virage serré au risque d'en perdre tout contrôle. Sa manœuvre audacieuse fut couronnée de succès car les tirs suivants manquèrent leur cible. Encore 5 secondes! Elles leur parurent durer une éternité, ponctuées par 2 faisceaux mortels qui se contentèrent de frôler le vaisseau qui modifiait son cap à tout bout de champ afin d'éviter d'encaisser un coup au but. Un hurlement de joie s'échappa des lèvres du pilote lorsque son navire bascula dans l'entre-espace. Bravo, bien joué. L'équipage, dont les nerfs avaient été tendus pendant de longues minutes, comme des cordes de piano, put enfin se détendre et regarder son avenir immédiat avec un peu plus de sérénité. Josie Dolange, qui était allée faire un tour du côté des cuisines, revint avec une bouteille de jus de fruits. C'est ce que j'ai trouvé de plus alcoolisé. C'est parfait. Il vaut mieux garder l'esprit lucide. Et, s'adressant à Domati, Maza s'interrogea. Combien de temps va-t-on rester dans l'entre-espace? Au moins 12 heures. Tout d'abord, cela va me permettre de me familiariser avec les instruments ajoutés aux commandes habituelles. Et ensuite, cela nous éloignera d'OMU-17, ainsi que du commandant Philbar et de son vaisseau. Ce début de programme me convient, mais ensuite, il faudra nous amener sur Tarsis. Où cela ? Tarsis, la planète où mon frère est accusé de meurtre. Laissez-moi vous rappeler qu'après le piratage de cette nef, notre tête à tous est mise à prix. Surtout après la mort des 2 sentinelles chargées de le surveiller. C'est pourquoi je suggère de nous faire oublier quelque temps. Et que comptez-vous faire pour cela ? Rejoindre un monde où vous pourrez bénéficier d'un changement d'identité. Après cela, ma tâche sera terminée. Et vous pourrez aller vous faire pendre où vous voudrez. Mazas parut peser le pour et le contre avant de répondre. Je crois que vous avez raison. Marchons donc comme cela. Un verre de jus de fruits plus tard, Lionel Tariq suggéra. Nous pourrions peut-être visiter l'intérieur de notre nef. Je suis curieux de voir à quoi elle ressemble. Le pilote approuva aussitôt cette proposition, disant qu'il resterait au poste de navigation pendant que ses compagnons iraient fureter. Dès qu'il fut seul, il se leva et s'empara du sac que Mazas avait laissé sur son siège. Il sortit tout ce qu'il contenait et l'étala sur la tablette amovible qui se trouvait sous la console. Mais il ne découvrit rien de suspect. Il observa cependant avec attention le couteau de jet et admira les modifications apportées par la jeune femme sous la forme d'un moteur atomique miniaturisé contenu dans le manche. Rassuré, il remit tout soigneusement en place et revint à son fauteuil contour. Puis, sortant un petit carnet de la poche pectorale de sa combinaison, il le feuilleta et releva une série de chiffres qu'il pianota à 3 reprises sur le clavier, chaque fois avec un intervalle de 7 secondes. Pendant ce temps, la jeune femme et ses 3 acolytes, après avoir visité les cuisines, le réfectoire, le dortoir et les quelques cabines individuelles, était parvenu au pont inférieur où étaient arrimés un triscaf et un mosquito. Bizarre, l'aménagement. Tariq désignait un pilier cylindrique d'1,80 m de section qui se trouvait au centre de la soute et en occupait toute la hauteur. Je me demande bien à quoi ça peut servir. J'ai vu ce type d'ossature sur de nombreux vaisseaux d'Eldorado. D'après les premières analyses des spécialistes, il s'agirait simplement d'un raidisseur chargé de renforcer la structure de la partie qui repose sur les étançons. Il ne faut pas oublier que l'Eldorado est plus dense que la Terconite. C'est vrai, mais ça fait une perte de volume. Oui et non. On ne remplit jamais une soute à 100%, car il n'y aurait plus moyen de s'y déplacer. Lorsqu'ils réintégrèrent le central, Domati était plongé dans une partie d'échec avec la positronique. Alors, content de votre visite? Il n'y a rien de bien différent par rapport aux astronefs habituels. Nous rejoindrons l'espace einsteinien dans 10 heures et 12 minutes. Si vous avez envie de vous reposer, prenez une cabine. S'il y a quoi que ce soit, je vous appellerai sur l'interphone général. Tandis que Lionel Tarik préférait demeurer avec le pilote, les trois autres profitèrent de l'offre qui venait de leur être faite. Ils se dirigèrent donc vers les petites cellules de 3 mètres sur 2, au confort spartiate, qui se trouvaient à côté de l'armurerie. Chacun choisit une, et ils se séparèrent. Mazas ferma la porte dans son dos et se laissa tomber sur la couchette. Elle s'étira en fermant les yeux. Alors, quel effet cela fait-il d'être devenue une rebelle? Les éditions de l'Avenir vous ont présenté le chapitre 3 de Mazas Pavel, Les Conjurés de l'Aspar, par André Bory. Les interprètes, K00 dans le rôle de Mazas Pavel, Ezwa dans le rôle de l'Émir, Christian Martin dans le rôle de Arx, Fred dans le rôle de Arme Domati, Jean Seb dans le rôle de Josie Delange, Christian Martin dans le rôle de Lionel Tarik, Gabriel Jean dans le rôle de Carl Fulbar et Christian Martin à la narration. L'histoire et la majorité des personnages appartiennent à l'auteur et sont protégés par copyright. Cette version audio est diffusée sous contrat Creative Commons Attribution, Non-Commercial, No Derivatives et est une production 2013 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez lavenir-audio.canadblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.